Production présente. On part ciné. Et bien bonjour dans ce nouvel épisode de Compar Ciné avec un super jingle. Là maintenant ça plaisante plus. Plus comme c'était avant, là c'est fini l'artisanat, là on passe à l'industrie là. Effectivement. Ça fait du choc. Ah ouais, c'est vrai. Alors, et bien bonjour dans ce nouvel épisode de Compar Ciné. Le concept de Compar Ciné, nous visionnons le film original et son remake, et nous déterminons, après un long processus de recherche et d'exégèse cinématographique, lequel des deux est le meilleur. Exégèse ? Oui. On cherchera plus tard. Je suis aidé en cela par la sémillante Julie qui vient justement de renouveler sa convention de stage. Bonjour Julie, comment vas-tu ? Ça va. Je ne sais pas pourquoi je l'ai signé cette convention de stage. C'est déjà bien. Ah ben, écoute, je pourrais ne pas aller. C'est vrai, c'est vrai. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 6 et nous allons nous intéresser au film La Féline. Je vous le dis d'entrée. Et ouais, c'est pour ça qu'on l'a pris. Alors, La Féline, qui est un film de 1942 de Jacques Tourneur, qui dure 73 minutes, contre un remake, alors attention, un remake vraiment librement adapté, de 1982 de Paul Schrader, et qui dure 118 minutes. Et ouais. Tu peux répéter, s'il te plaît. 73 minutes. Contre 118 minutes. Ça fait donc 45 minutes d'écart, soit 3 quarts d'heure, très précisément. Oh là là, tu t'améliores de podcast en podcast. Non, c'est mais que... tu m'as pris de court parce que je pensais que tu allais faire la séquence du courrier. Mais non, maintenant c'est plus comme ça. Maintenant j'ai un conducteur, un papier où il y a les différentes... Et du coup, est-ce que tu fais la séquence du courrier ou pas? Parce que moi j'ai reçu un courrier. Tu as reçu un courrier? Oui. Alors attends, là parce que tu crois... Je suis allé le chercher, il l'avait mis au jardin de la plantade, il s'était planté le mec. Alors je vous rappelle que donc vous pouvez... Alors non, voilà, tu vois, tu me mets à l'air là, mon conducteur. D'abord, je tenais à vous dire que donc il y a ce podcast qui s'appelle Compar Ciné, que vous pouvez retrouver bien sûr sur le site de PodCloud ou sinon sur notre mini-site qui... Alors, si vous avez téléchargé l'épisode, hein, vous savez, hein, mais c'est comparcine.lepodcast.fr. Il y a un autre podcast qui s'appelle Pourquoi Forest. Vous pouvez le retrouver aussi sur PodCloud et sur pourquoiforest.lepodcast.fr. On est en train de préparer, là, je suis en train de finaliser un autre podcast qui va sortir bientôt qui s'appelle Balise. Et tout ça, c'est au sein d'une société de production qui s'appelle Queen Production. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook pour avoir l'actualité. Voilà, parce qu'on se diversifie vachement. Maintenant, on fait tout un tas de choses, du graphisme, de la poterie, voilà, de la gravure sur verre. On fait vraiment, on a beaucoup, beaucoup d'activités. Voilà, donc c'est toutes les formes que prennent cette boîte de production qui s'appelle Queen Production. Et de suite, sans plus attendre, voilà, on va passer à la séquence du courrier. Attention, jingle. La séquence du courrier. C'est pas mal comme jingle, mais un peu trop long. Les dernières notes sont en trop. J'en parlerai à notre assistant qui fait les jingles. Notre assistant jingle. Est-ce que tu pourrais me faire passer le sac, s'il te plaît ? Et tu veux pas que je te fasse part du courrier que j'ai moi-même reçu ? Il n'était pas dans le sac. Non, c'était un courrier non, à part. Il s'était marqué à l'attention de Julie. Ah, ben... l'animatrice fantastique du podcast s'était marqué dessus. Donc ah, je ben, me suis reconnue. Ah ben, écoute, vas-y. Tu vois, moi aussi j'ai des fans. Ah ben, je t'écoute, Julie, vas-y. Donc en fait, c'était un courrier de Monsieur Popol. Oui. Qui disait qu'il trouvait que dans nos podcasts, on prenait des films qui n'étaient pas assez connus. Ah bon ? Oui, Mathieu Popol. Mathieu Popol. Voilà. Il veut qu'on prenne des films plus connus parce qu'effectivement, les auditeurs, quand ils écoutent les podcasts qui parlent de films qu'ils n'ont pas vus, c'est pas très, très. C'est moins intéressant que quand ils connaissent les films. Voilà, c'est tout. Ah ben, c'est déjà pris en compte parce que la Féline, là, tout le monde l'a vu. Le film 1982 et celui de 1942, c'est. Non ouais. Si, c'est hyper connu. Chez les jeunes, là, ils en peuvent plus de ce film. Ouais, si tu le dis, ok. Si, si, je crois que ça passe sur Netflix la semaine prochaine ou un truc comme c'est ça. C'est trop vieux. À la limite, il faudrait qu'il y ait un remake. pour que les jeunes le regardent, pour l'adapter à eux. Voilà, et je suis sûr, il y a des gens qui se tranchent les veines là. Moi, en tout cas, j'ai fort envie. Bon, tiens, attrape le sac, allez. Ah, enfin, fait du vrai courrier. C'était une carte postale ou une lettre, toi, que tu as reçue ? C'était une lettre. Alors, alors, cette semaine, nous avons reçu 647 lettres, quand même. C'est ce qui est pas mal. C'est, bon, nos statistiques montrent qu'on est en forte progression à ce niveau-là. Alors, nous avons une première lettre qui est de mademoiselle Vanessa Dallès. Alors, je vous la lis comme elle se présente. Pour améliorer votre podcast, je vous propose quelques blagounettes sorties de derrière les fagots au sujet des acteurs du précédent podcast qui était qui parlait, alors je bafouille un petit peu sur ma lettre, mais bon, qui parlait en fait des nerfs à vif. Voilà. Alors par exemple, Grégory Peck, vous auriez pu dire Grégory Peck, citron. Voilà, ça c'est déjà une première vanne qui est quand même, moi je trouve pas mal. Ensuite, pour Robert De Niro, ça aurait pu être Robert Denibar. Voilà, celle-là aussi, moi je la trouve vraiment très rigolote. Et pour Robert Mitchum, j'avais pensé à Robert Nibs Schum. Nibs, c'est parce que Robert Denibar et Robert Nibs Schum. Voilà. On dit souvent de moi que je vanne et ça, c'est vrai. Je vanne et ça, c'est vrai. Si vous avez besoin de moi pour muscler votre émission au niveau de l'humour, je me tiens à votre disposition. Ah ben, voilà. Une belle lettre de mademoiselle ou madame, je ne sais pas, Vanessa Dallès. Qu'est-ce que tu en penses, Julie ? Est-ce que tu penses qu'on pourrait la prendre pour, voilà. Ah ouais, carrément, ce serait trop bien. Ah ben voilà, déjà. Ensuite, nous avons... Alors, t'as pas seulement le sac. Je prends vraiment au fond du sac, voilà, une lettre de Jean de Marseille. Ah, bon. Eh, salut, pêcheur. Comme on dit à Marseille, j'aime bien votre podcast, bonne mère. Mais arrêtez de vous moquer des réalisateurs américains et de leur accent, fan de chichoune. Signé Jean Cameron. Je n'ai aucun lien de parenté avec le réalisateur. Purée. Alors, je crois que il s'est habilement déguisé, tu vois, pour... mais je soupçonne que ce nom me dit quelque chose. Ça te dit quelque chose, Jean Cameron ? Ben, Jean Cameron... Non, ça te dirait ? Peut-être, non, je sais pas. Bon, ben écoute, en tout cas, on va mener l'enquête, hein, et si c'est un faux, ça peut finir devant les tribunaux. Hein. Alors, j'ouvre une dernière lettre. Voilà. Alors, ah, alors c'est monsieur Grégory Peck-Citron qui nous écrit. J'adore votre podcast, mais la dernière fois, Julie a employé le terme d'enculturé à mauvais escient. C'est un mot proposé par Margaret Mead pour définir le processus par lequel un groupe va transmettre à l'enfant, dès la naissance, des normes partagées. J'anime d'ailleurs une conférence le 25 mars dont le sujet est l'enculturation dans la société précolombienne. Merci, on n'ira pas. Je serai ravi de vous y retrouver et vous fais parvenir des places pour les 30 premiers rangs à faire gagner à vos auditeurs. Alors ça, on a un truc à faire gagner. Non, tu peux répéter la définition ? Alors, c'est comment un groupe va donner des normes à un enfant. C'est ça, enculturé. Oh, et c'est un mot qui a été créé par un... Ouais. Ah, je suis espanté, piche. Bon, tu es de la famille de Jacques Cameron, toi, non ? Ouais, je me dis que s'il y a des jeunes du Nord qui nous écoutent, eh ben, voilà, ça peut amener une pointe, on va dire, d'exotisme. Ah ben, tout à fait. Donc, sans plus tarder, après cette séquence du courrier, j'aurais pu faire un jingle pour passer au moment où on parle du film, mais je n'ai pas eu le temps, hein, on ne peut pas tout faire non mais plus. Mais ne dis pas ça, ton auditeur, il ne le sait pas. Oui, mais là, tu en parles encore plus. Mais ça c'est fait toi, c'est toi qui c'est te, moi qui tu te sapes toi-même. Bon, ben écoute, bon, ben, là, qu'est-ce que je peux faire d'autre que d'essayer de faire une habile transition qui va nous amener au film maintenant ? Ah, j'ai pas démerdé. Bon, eh ben, parlons du film. Donc, comme je l'ai dit, le film de 1942 de Jacques Tourneur, avec comme acteurs principaux Ken Smith, Tom Conway, Jane Randolph. Un lien avec Tina Turner ? Non, je ne pense pas. Non, j'avais pas vu. Non, Jacques Tourneur. Alors, je crois qu'il a des origines françaises, hein, à la base. Tourneur ou Turner ? Tourneur. Ah, Tourneur. Donc aucun lien avec Tina Turner. Non. Okay. Alors, c'est un réalisateur de films assez célèbre. Il a fait pas mal de... On en a vu un qui s'appelait La Main du Diable. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est ouais. Un gars qui pactisait pour pouvoir... Lui, il était musicien ou peintre. Et cette main-là se passait chaque fois. Elle portait au début, elle a porté la chance, et après, malheureusement, ça se finissait toujours un petit peu mal. Voilà, il est considéré, ce film-là, comme un classique. Hein. Okay. Contre le film de Moi, je préfère son cousin. Je sais que... Vas-y, fais-la. C'est-à-dire, vas-y, qui ? Marc Ambobineur. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Marc Ambobineau, tourneur ? Tourneur ? Ambobineur. T'as compris ? Oh, non. Tourneur, tourneur. Ouais. Ambobineur, ambobineur. Et moi, non. Oh non. Oh là là. Il faudrait que je fasse une jiggle mauvaise vanne. Là. Attends, tu es mort de rire. Mais dis pas qu'elle est pas bonne. Je te vois là. Je te vois avec ta tête. Il faut savoir qu'elle est quasiment en train de pleurer de rire pour ça. Oh là là là là. Pouf, on se marre bien quand même de ce podcast. Mais revenons à nos moutons dans l'analyse fine. Donc, le remake a été fait par Paul Schrader. Alors, Paul Schrader, c'est le scénariste de Taxi Driver. Il a fait pas mal d'autres films, un film assez récent avec Julianne Moore et aussi une actrice qui a des gros problèmes de drogue et tout ça, américaine. Bon, enfin, qui jouait d'ailleurs avec Jamie Lee Curtis, elle a joué, où elle s'est changée. La mère devenait la fille devenait la mère. Je ne me rappelle plus son prénom, cette actrice-là. Mais bon. Mais elle faisait la fille. Elle faisait la fille, oui, qui devient la mère après, ouais. Si tu as suivi. Voilà, donc c'est. Alors, le film de Paul Schrader s'adapte très librement. C'est un remake. Hein, parce que vraiment, l'histoire est vraiment. C'est la structure principale, le fait qu'une femme se transforme en pâte d'air. Mais après, à part une scène qui se déroule à la piscine, après, vraiment, le film est vraiment extrêmement différent. Donc, alors le film de 1942 débute dans un zoo. Il y a une femme qui est en train de faire un dessin d'une panthère. Et dès la première scène, paf, scène choc, la femme jette un papier. Et qu'est-ce qui se passe, je dis ? Eh bien, elle ne le ramasse pas. Voilà. Une chouflette. Ça, c'est pas le truc là qui t'a... Ça m'a scié. Hein ? Ça s'est mal passé. Ouais. On a déjà, le film, il n'a pas marqué des points à ce niveau-là. Non. Mais c'était une autre époque en même temps. Oui, c'est vrai. Donc il y a un gars qui arrive, qui lui ramasse le papier, qui le met à la poubelle, hein, et qui va plus ou moins la dragouiller, quoi. Non, oui, c'est vrai, il met le papier à la poubelle, mais après elle en jette un autre. Un deuxième qu'il ne ramasse pas. Oui. Et ben, il n'est pas là non plus pour faire le larmé non plus. Ouais, tout à fait. Faut pas exagérer. Hein. Mais voilà, il la dragouille et elle le ramène chez elle. Alors pour un film de 1942, je trouve que ça va un peu vite en besogne quand même. Qu'est-ce que t'en sais, tu y étais ? Ben, j'ai vu le film. Non, mais 1942. Ben, je sais pas quoi, mais je trouve que rapidement, quand même, il va rien se passer chez elle, quoi. C'est d'ailleurs le principe du film, c'est qu'il va jamais rien se passer entre eux deux, parce qu'en fait, on apprend que la femme, elle est en quelque sorte maudite, hein, et elle redoute que s'il se passe quelque chose entre eux, quelque chose de mal va se passer, quoi. Bon, enfin. Donc, il a séduit. Tandis que dans le film de 1982, tout démarre dans une, on va dire, une plaine africaine, dans une sorte de désert, quoi, on va dire. Il faut que j'arrête de dire on va dire, hein, c'est ça ? Oui, et aussi si tu veux. Et si tu veux aussi, voilà, si tu veux. Donc, et alors, dès le début, le film commence avec la musique de David Bowie avec Giorgio Moroder. Alors là, j'ai vu des documentaires et des gars qui parlent de la musique. Alors là, ils en font des louches sur le fait que David Bowie a fait la musique, qu'elle est fantastique et tout ça. Je la trouve nulle à mourir, quoi, cette musique. Non ? Ça t'a pas... Ni bien ni mal, en fait, ça m'a pas frappé. Ah, écoute, tu aurais vu ça, là ? Il y en a un qui écrit dans les Irrecuptibles, là. Ouais, c'est génial, c'est fantastique. Il dit trois paroles, David Bowie. Non, mais tous ces gars-là, ils sont payés pour ça, pour dire que tout est fantastique ou alors tout est nul. Il n'y a jamais de juste milieu dans ces trucs-là. Tandis que nous, vu qu'on est indépendant, là, nous, on peut y aller, on peut les mettre. Et puis, peut dire que nous, bof, ni oui ni non. David Bowie, là, tu vois, il avait un frère chemin, là, je sais pas. Mais et même toute la musique du film, alors que Giorgio Moroder... bon, moi, j'aime bien, hein, d'habitude, Midnight Express, ça pulse. Il a fait des tubes avec... Donna Summer, c'est tout ça, qui sont vraiment chouettes. Mais alors là, c'est pareil, quoi. Toute la musique, c'est vraiment, vraiment typé années 80 et c'est du lourd, quoi. Vraiment, ça a du mal à passer aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence où on voit effectivement la légende qui est racontée, qui se... En fait, c'est une sorte de dessin animé Enfin, c'est bizarre comment c'est fait. Non, c'est fait avec du matte painting, je pense. C'est-à-dire qu'il y a un décor en dur, mais le fond, tous les fonds sont dessinés sur un écran, quoi, si tu veux. Ah. Moi, j'ai bien aimé ça. Ce décor-là et tout ça, c'est... Mais après, c'est pas très clair parce qu'en fait... J'ai vu donc un documentaire où il y avait Paul Schrader qui parlait. En fait, à un moment, il y a une fille qui rentre dans la caverne et ce serait en fait la fille de l'union entre la panthère et une femme qui a un accouplement avec la panthère au oui. début. Quoi. Ben, tu avais compris ah oui, moi ça, j'avais compris. Ah ben, moi, j'avais pas pigé ça. Oh le nul. Oh le nul, attends. Et il me dit toujours à moi que je comprends rien. J'hallucine. Je vois que tu me soutiens vachement et que tu me rabaisses absolument pas devant les auditeurs là. Le nul, le nul. Bah, j'avais pas compris ça. Et donc, moi, j'ai bien aimé la première séquence, si ce n'est la musique, quoi, mais j'ai trouvé ça joli. Après, c'est est-ce incroyable que, les moyens de l'époque. Est-ce que c'est fait comme Le Passage? Tu te rappelles le film Le Passage là? C'était non. fait comme ça aussi. Non, non, ça non, non là, c'était ça. Vraiment un dessin dans Le Passage. Ah bon c'était vraiment des ah séquences ben dessinées. Okay. Non, non, c'est plus comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, là. De l'espèce. Non, l'espèce, c'est, ça a été ah, un oui. documentaire qui a été fait après. Où au moment où il y a les singes et tout ça qui se battent, il y a beaucoup de séquences qui sont dessinées en fond. Quoi. Mmh. Voilà, c'est, tout est dessiné, ça fait un côté un peu toque, mais moi, c'est joli quand même. Ouais, ouais, c'est joli. Et donc, on passe après sur le visage de nos jours, on va dire, en quelque sorte, de nos jours en 1982, de Nastasia Kinski, qui est la fille de Klaus Kinski. Qui arrive à un aéroport et qui va venir rencontrer son frère, Malcolm McDowell. Alors déjà, là, Nastasia Kinski plus Malcolm McDowell, tu te dis, là, ça va pas être un film... Un lien avec Andy McDowell? Non, non, je pense pas. Mais par contre, c'est lui qui jouait dans le film de Kubrick, Orange Mécanique. Voilà. C'était le héros? Ouais. Ah, mais je l'ai pas du tout reconnu. Ah bon? Ouais, c'est la coupe de cheveux qui... Mais alors, pas du tout. C'est bizarre. Il est mieux peigné. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai, ouais. Ah ben ça alors. Et ouais. Et alors bon lui il a fait que des rôles de fou quoi et Nastasia Kinski c'est toujours un peu aussi bon ces deux là sur un plateau enfin, quand commence le film tu te dis là oulala ça va partir dans tous les sens quoi. Donc elle arrive elle rencontre son frère il a l'air assez bizarre. Oui ils se connaissent pas. Ouais parce qu'en fait elle a été adoptée. Non elle a pas été adoptée ils ont été séparés quand ils étaient petits je sais plus pour quelle raison. Et elle a vécu dans la rue alors? Non, elle a été adoptée, oui, mais ils sont vrais frères et sœurs. Elle n'a pas été adoptée dans une famille différente. Enfin, ils sont vrais frères et sœurs, voilà. Ils n'ont pas été élevés ensemble. Il va falloir que je coupe tout ça. Parce que tu m'as rattrapé comme si je disais des bêtises, mais elle a été adoptée. Elle vient voir son frère pour la première fois depuis très longtemps. Et son frère a été adopté, lui? Et son frère a été adopté aussi. Et par qui? Par la femme qui s'occupe de lui, là. Je pense. Ah, bon, ben alors, il faut dire qu'ils sont frères et sœurs, mais qui n'ont pas leurs parents et qu'ils ont été adoptés tous les deux par deux familles différentes. Voilà. Bon, et là, ils se retrouvent après de nombreuses années sans se voir. Or, là aussi, c'est un peu pareil. La rencontre est un petit peu bizarre. Il la ramène assez rapidement chez lui et ils vont avoir un repas. Alors, elle essaye de parler de sa famille adoptive et tu vois que lui, il s'en moque complètement, quoi. Il est pas très, très sympa. Et on voit qu'il veut tenter de lui faire couper les ponts avec sa famille et que voilà, il a un secret quoi. Donc on voit qu'il est un petit peu bizarre. Et le soir d'ailleurs, il s'introduit dans sa chambre alors qu'elle est en train de dormir et il saute tel un félin sur son lit. Et ça s'arrête là. Et on s'aperçoit qu'il est allé voir quoi après? Une prostituée. Et ça, c'est pas joli joli. Ça rappelle pas ça? Si, mais en fait, on le comprend pas. Enfin, parce qu'après, ça passe à la scène où tu vois que la prostituée, elle avait la panthère. Mais on sait pas que c'est lui. Enfin, on le comprend. Mais... Ah, si, si. Ah oui, elle rentre dans la pièce, hein, effectivement. Elle rentre dans la pièce. Elle appelle quelqu'un. Par et son... lui, il est dans voilà. la Et dans ça, c'est sur le lit. Et il y a le tigre qui est sous le lit, qui lui griffe le pied et qui essaye de la bouffer. Alors, ici, c'est pas un tigre, c'est une panthère. Ok. Parce que alors, là, dans le film, là, d'ailleurs. Ils disent tigre, panthère, ils changent un peu de nom en fonction de... Ah ouais, alors que c'est bien une panthère. Donc, et là, la panthère va essayer de tuer la prostituée, mais elle va réussir à s'enfuir. Et là, ça va être assez long, parce que donc, des gars du zoo vont intervenir pour attraper la panthère. Et là, c'est long. Là, la panthère, elle est coincée dans une chambre. Alors, ils mettent la grande échelle en place. Ils sortent. Ça n'en finit pas. Ah, moi, j'ai pas eu cette sensation. Ah, moi, j'ai trouvé ça extrêmement long. En plus, il n'y a aucun... Tu as trouvé dangereuse, toi, la panthère là? Tu t'inquiètes pour les gars? Oui, quand même. Ouais, non, mais il est derrière des barreaux. Oui, mais c'est vachement réaliste, je trouve. Ah oui, non, mais parce que c'est une vraie... Alors, voilà. Petite anecdote, en fait, c'est pas une vraie panthère, parce que la panthère, elle vit en hauteur, et elle s'assoit, elle dort. Ah. Tandis que là, ils ont pris des pumas, un puma qu'ils ont peint. En fait, ah bon. Pour les séquelles où ils sautent de partout, okay. Quoi. C'est un puma qui est déguisé en panthère. Okay. Non, oui, moi j'ai trouvé ça assez réaliste et je trouvais que ça faisait peur, oui. Ah bon, moi je... Même si elle est derrière les barreaux. Bon. Alors passons sur le film de 1942. Donc le couple vit. Voilà, ils se sont séduits mutuellement et assez rapidement aussi ils décident de, en fait, de se marier. Mais la fille qui est atteinte du mal étrange ne veut pas avoir de contact charnel, on va dire. Elle veut pas l'embrasser. Mari. Elle veut pas l'embrasser. Elle lui, c'est pas un peu plus prudent. Elle explique pourquoi d'ailleurs. Enfin, elle explique clairement à son mari. Elle lui raconte la légende de sa famille. Et elle pense qu'elle va se transformer en panthère si ou non. Elle le dit pas. Elle parle pas de panthère, mais elle dit qu'elle va faire le mal, quoi. Ah, voilà. D'accord. Mais et que alors ça aussi c'est juste évoqué, mais que c'est à propos d'une ancienne légende, que donc des gens de son village ont fait des actions qui étaient pas très jolies et qu'ils ont été maudits, et que certains, alors je crois que c'est Jean, voilà, Jean de Serbie, voilà, c'est Jean de Serbie donc qui extermine les êtres diaboliques du village, mais il y en a certains qui arrivent à s'échapper, et elle pense, elle, faire partie des descendants de ces gens qui ont réussi à s'échapper et qui sont atteints par le mal, quoi. Donc, ce film-là, bon, moi, il faut dire la vérité, j'ai dormi pendant trois quarts du film, j'ai été obligé de le regarder parce que... C'est lamentable. Tu m'obliges toujours à voir des films que personne ne connaît ni d'Ave ni d'Adam et tu t'endors. Alors, moi, j'en gardais un très bon souvenir parce que je l'avais vu à la séance de minuit sur France 3, là, et ça m'avait bien plu. Là, je l'ai regardé vite fait sur l'ordinateur, là. Et y a... Alors, c'est vrai que c'est long, mais il faut savoir que déjà, ce film, il a été tourné en trois semaines. Trois semaines, tu te rends compte, pour faire ce film-là. Et surtout, qu'en fait, à la base, ils n'avaient pas de scénario quand ils ont décidé de faire ce film. C'est-à-dire, ils avaient une affiche et un titre. Et c'est le réalisateur avec deux autres gars, quoi, qui ont écrit un scénario à la va-vite pour... Ils l'ont tourné en trois semaines. Donc, quand c'est ça, quoi, quand même, ça met, ouais. Ça met quand même les choses en perspective. Et puis, il y a deux grandes scènes. La scène où elle se fait poursuivre dans la rue, qui, moi, je trouve vraiment chouette. Mmh. Où il y a, en fait, alors, le mari a quand même une sorte de... Pas de liaison, mais presque, quoi, on va dire. Comment on pourrait appeler ça, une idylle. Voilà, une idylle platonique pour l'instant avec une de ses collègues. Et la collègue, donc, la femme est jalouse. Elle va se faire poursuivre dans une rue la nuit par on ne sait pas quoi. Alors là, rien n'est montré parce que Jacques Tourneur, sa spécialité, c'était ça, c'était de suggérer. Il nous embobine. Hein ? Il nous embobine. C'est reparti. Enfin, bref, donc sa spécialité, c'est ça, c'est de, voilà, de créer des situations où l'inquiétude s'installe. Et donc, moi, j'ai vraiment aimé cette scène-là, avec la scène de la piscine aussi, qu'on retrouve dans la nouvelle version. Mais il faut savoir qu'il est le créateur donc, d'un effet au cinéma qui s'appelle l'effet bus. Parce qu'en fait, quand elle se fait poursuivre, on ne sait pas si la panthère est derrière elle ou pas, quoi. Et on entend une sorte de bruit bizarre, et en fait, c'est le bus qui vient se garer devant elle. Et ça, ça a été repris par de nombreux cinéastes, mais ça a été le premier à utiliser cet effet-là, quoi, si tu veux. Mais elle est montée dans le bus, non ? Elle monte dans le bus, ouais. Mais c'est le fait qu'on a peur, et puis tout d'un coup, quelque chose arrive de on ne sait où, et met fin à la tension, et la renforce en même temps, quoi, si tu veux. Voilà. Ça ne la renforce pas, mais t'as dit si tu veux. Ça la renforce, parce qu'au début, le bruit du bus, ça ressemble vraiment à un cri de panthère, tu vois. Voilà, donc vraiment cette scène, c'est je pense, alors ça a vieilli, ne vous cachons pas, si vous regardez ça que vous êtes un peu fatigué, vous allez dormir parce que ça parle beaucoup, mais comme je le dis, il faut être un peu indulgent avec certains films, moi je pense que c'est quand même intéressant de le regarder. Film dure 73 minutes, c'est-à-dire 1h10 à tout péter. C'est pas bézef. C'est vraiment très court, c'est pour ça que j'étais d'accord pour le regarder, mais franchement je n'en voyais pas la fin tellement et blablabla et blablabla. Ces films d'époque là, ils font que parler en fait. Ils n'avaient pas beaucoup. Je te dis trois semaines. Oui, c'est vrai, ils n'avaient pas de moyens. Voilà, déjà. Enfin, ce qu'on a aujourd'hui, en tout cas. Oui. Alors, dans le film Paul Schrader, donc, la panthère est finalement immobilisée et elle est amenée au zoo. Et parallèlement à ça, sa sœur, qui a décidé de visiter la Nouvelle-Orléans, parce que le film se déroule dans la Nouvelle-Orléans, eh ben, où elle va ? Elle, aux zoo aussi, comme les choses sont bien faites. Et donc, elle commence à se mettre devant une cage où il y a une panthère. Cette panthère, en fait, c'est son frère qui a été capturé dans la même journée par le gars du zoo. Et elle va se mettre à dessiner la panthère, un peu comme au début du film de 1942. Et elle reste là jusqu'à la nuit tombée. Alors là, je ne sais pas comment ça, c'est possible. Les gars du zoo font mal leur boulot parce qu'elle reste quand même là plantée. Elle ne bouge pas, quoi, elle ne se cache pas. Et pourtant, personne ne la vient. Et en plus, il y a une erreur du scénario parce que là... Eh oui, on me la fait pas, moi. Et donc. Parce qu'il y a l'employé qui arrive, qui est le rôle masculin, là. Il arrive, il la voit de loin, il fait « Bonjour » ou « Excusez-moi » ou je sais pas quoi. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle part. Elle s'en va en courant, comme si... j'ai pas compris, en fait, pourquoi elle s'en va en courant. C'est idiot. Ouais. Elle s'en va en courant et après, elle se retrouve tout en haut d'un arbre. Donc, on comprend qu'elle a, elle aussi, des pouvoirs de puma. Non. De panthère. De panthère. J'allais dire de tigre. On comprend qu'elle a des pouvoirs comme son frère, puisqu'elle se retrouve en haut de l'arbre. Donc là, on reprend son sang-froid, il l'aide à redescendre, il commence à discuter, et c'est là que va naître l'idylle entre les deux personnages. Deux. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation d'actrice de Kinski ? Je trouve qu'elle est très bien, mais bon, ce serait bien qu'elle mette une culotte des fois. C'est vrai que... Franchement, chaque fois qu'elle enlève sa jupe, elle n'a pas de culotte. Y a au moins 4 ou 5 fois où on la voit complètement à poil, avec l'épilation de la mode des années 80. Et bon, je pense qu'à l'époque, ils aimaient bien faire ça aussi, se montrer à poil dans les films. Hein. Oh. C'était l'époque de la libération, là, tout le monde se mettait à poil pour un oui, pour un non, non ? Paul Schrader, je pense que c'est un peu son truc, il a toujours aimé plus ou moins choquer tout ça. Et Nastassja Kinski, c'est un peu comme Valérie Kapryski, c'était des actrices qui étaient choisies en grande partie, parce qu'à un moment où tu voyais un film avec elle, tu savais qu'à un moment ou un autre, tu allais avoir plus ou moins du nu. Quoi. Ouais. Je suis désolé, bon, c'est comme ça. C'est lamentable. C'est lamentable. Après, le film... Ouais, c'est dommage parce que c'est quand même une bonne actrice. Je trouve qu'elle est bien. Moi, je trouve qu'elle... Oui, parce qu'elle a vraiment un effet... Enfin, elle représente en même temps la pureté et en même temps un certain vice. Quoi. Si tu, dans ses expressions et tout ça, elle navigue un peu entre les deux. J'ai trouvé que vraiment, elle jouait bien. Moi, je n'ai pas ressenti du tout l'aspect vicieux. Si, enfin, pas, je m'exprime mal. Pas vicieux, mais on sent que ça ne lui déplairait pas de passer à l'action avec le gars, quoi, si tu veux. Elle le charme en même temps. Elle est assez prude, en même temps, elle le charme. Quoi. Voilà, j'ai trouvé, moi, son interprétation m'a plu. Par contre, son frère, Malcolm McDowell, dans ce film-là, avec son regard halluciné, là, j'ai trouvé qu'il jouait vraiment comme une patate. Quoi. Ouais, mais je pense que c'est volontaire, c'est son personnage qui est comme ça. Oui, over the top. Ouais, mais... Pourquoi over the top ? Ben, parce qu'il va jusqu'au bout. Tu veux dire que c'est Tom Cruise qui aurait dû être dans ce film ? C'est un film à Stallone, over the top. Ok, suite. Encore avec une belle occasion de te taire, entends-tu ? Enfin, bref. Mais c'était une blague au deuxième degré. Ah, d'accord, ouais, on va dire ça, ok. Non, mais ouais, lui, par contre, j'ai vraiment. Et moi, ce qui m'a gêné dans ce film-là, c'était. Il est lourd, quoi. Voilà, dans tout ce qu'il veut dire, c'est avec les gros sabots, quoi. La malédiction, le sexe, le stupre, le mal, Eros, Thanatos, c'est le genre de truc, ça. Voilà, ils mettent leurs gros sabots là. Alors, Paul Schrader, c'est pas un manchot quand même, hein, parce que Taxi Driver, c'est lui qui a fait le scénario. C'est un chouette film, quoi. Mais comme quoi, il faut avoir un bon réalisateur. Scénariste, ça veut pas dire être réalisateur non plus. Hein. Voilà. Donc, elle tombe amoureuse du gars du zoo, hein, dans la nouvelle version de 1982. Et il va y avoir un jeu de séduction et tout ça. Et on va rapidement se rendre compte que bon, les deux sont faits pour vivre ensemble. Il va l'installer plus ou moins dans une cabane dans les bayous. Ils vont rencontrer un copain qui est uniquement là pour se faire bouffer. Parce que le vieux, là, le vieux bonhomme qui garde la maison dans les bayous, là. Lui aussi, il est là uniquement pour passer la cassera. Non, mais il faut dire que tu dises pourquoi il installe dans le bayou. Il installe dans le bayou parce que le frère, en fait, on se rend compte qu'il est fou. Enfin, il est fou. En tout cas, c'est ce qu'on pense à ce moment-là parce qu'il veut avoir une liaison avec sa sœur, en fait. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Voilà, en fait, alors, ce qu'il y a, c'est que les félins, eux, ne connaissent pas, si tu veux, l'inceste. Donc, pour les félins, c'est naturel. C'est surtout que la malédiction, ils ne peuvent être, d'après le frère, ils ne peuvent être ensemble et coucher, avoir des relations sexuelles que tous les deux, parce que sinon, ils sont, s'ils couchent avec une personne, ils sont obligés de la tuer. Voilà. Oui. Pour reprendre forme humaine, quoi, en quelque sorte. Tout à fait. dès qu'il couche avec quelqu'un, il se transforme en panthère. Et pour redevenir humain, il s'est obligé de tuer la personne. Oui. Donc du coup, le frère, pendant tout le film, en fait, il court après sa sœur pour essayer de la convaincre de, voilà, d'être ensemble. Voilà, de se mettre en couple. Et d'ailleurs, j'ai oublié une séquence où en fait, le frère qui a été transformé en panthère va attraper le bras d'un dresseur qui... Voilà, c'est aussi comme dresseur, il se pose là. Dans ce zoo, les choses vont mal. Hein. Je pensais que le DRH, là, il fait mal le boulot parce que. Bon, le dresseur, il met le bras en entier dans la cage pour essayer de tapoter la panthère avec un petit bâton. Et la panthère, on lui bouffe le bras. Elle lui. Alors, en plus, là aussi, quoi. C'est pas, elle lui arrache le bras, elle met juste un coup de patte comme ça, et le bras, c'est assez bien fait d'ailleurs, se déchire totalement, et le gars pisse le sang, voilà, s'étale sur le carreau, pisse le sang. Tout à fait, on comprend qu'il décède des suites de sa blessure. c'est pas un sparadrap qu'il faut, là, ça pisse de tous les côtés. Alors, la séquence est assez bien faite quand même, et puis il y a un plan où on voit les chaussures de la fille avec le sang qui coule et tout ça. Les couleurs sont jolies, j'ai vu. En fait, le décorateur qui a fait le remake là, c'est pas Maïcho non plus quoi. Ils ont recréé le zoo en entier. Il y a des contrairement choses. Contrairement au personnage. Oui. Il y a un plan, un moment là où en fait tu pars d'une vitre, ils descendent avec la caméra, ça montre les décors quoi. Il y a eu du pognon de mis sur la table là, et le décor est vachement bien fait quoi. Voilà. Pour, à ce niveau-là, après le zoo, il est bien fait quoi. Bon, après, un peu trop chargé, quoi, parce que t'as des panthères de partout, des statues, oui. c'est pareil. C'est comme si c'était le musée de la panthère. Voilà. Donc, bon. Et on va passer au moment où donc, le gars... Ah, j'ai oublié de dire quelque chose aussi. Ah, pardon. Tu n'as pas parlé du personnage qui s'appelle, je crois, Alice, qui correspond à... Ah, dans l'ancien film, qui a eu de l'importance puisque c'est pour elle qu'il va quitter sa femme, alors que dans ce film-là, il n'y a pas d'idylle entre eux, mais elle, il y est quand même le personnage. C'est une collègue de travail, on comprend qu'elle est un peu amoureuse de lui. Et apparemment, mais alors, c'est on ne l'a pas capté, mais ils ont été sex friends à un moment. Ah oui, ouais, ouais, c'est plus ou moins suggéré pendant le film. Quoi. Ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison, oui, voilà. À un moment, c'est vrai. Voilà. Et ce personnage-là est intéressant. Mais l'actrice, moi, là aussi, c'est pareil. Quoi. Moi, je l'ai trouvée. Elle s'appelle Annette O'Toole, je crois. Là, j'ai pas son. Ouais, je crois que c'est Annette O'Toole. J'ai trouvé qu'elle était très bien coiffée. C'est vrai. Annette O'Toole, c'est ça, oui. Elle a joué dans Superman, d'ailleurs, et dans la série aussi, Smallville. Elle jouait la mère de Clark. Oui, mais voilà, elle a un joli visage et tout ça. Et, alors, par contre, il y a plein de scènes qui ne servent à rien. Quoi. À un moment, là, on va l'appeler la féline, hein, on va dire, Anastasia Skinsky, là, et. Elle travaille au zoo, finalement, son gars, là, ça aussi. Hein. Oui, il l'a fait rentrer comme employé. Voilà, on s'étonne après qu'il y ait un gars qui se retrouve avec un bras arraché, qu'il y ait des passants qui restent. Tu passes à côté du zoo, allez, viens, on t'embauche, on te prend. Quoi. Donc, elle va travailler dans un magasin, là, cette séquence-là, où en fait, elle se rencontre toutes les deux. Ça aussi, c'est pas fort. Quoi. Enfin, il se passe rien, c'est un peu nuant. Quoi. Non, tu trouves pas? Quand elles sont au bar, tu veux dire? Donc, parce que là, c'est l'intérêt, c'est qu'elle lui raconte qu'elle n'a jamais eu de relation avec un homme. Non, pas cette séquence-là. C'est juste avant, en fait, elles sont dans le magasin où ils vendent des peluches et tout ça, quoi, ouais. Si tu veux. Il y a trois jeunes qui arrivent pour acheter une peluche. Elle tape à la machine, l'autre l'aide à taper à la machine à caisse enregistreuse. Voilà, quoi. Ça aussi, c'était un peu long, j'ai trouvé. Mais bon, donc elles deviennent plus ou moins amies. En plus, dans le film, oui, il n'y a pas de sentiment de réelle jalousie comme il y a dans le film de 1942. Mais bon, donc va commencer le moment où, en fait, les deux, c'est-à-dire Anastasia Kinski, c'est dur à dire, avec son love interest, vont passer à l'action. Ils couchent ensemble et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est à la fin du film. Non, ils couchent déjà une première fois ensemble, qu'elle tue son copain d'ailleurs. Non, là tu peux sauter à la fin du film, mais bon, ok, soit. Non, mais vas-y, dis, tu as d'autres choses à dire avant. Oui, et ben à partir du moment où ils couchent ensemble dans le bayou, elle se transforme en puma, en panthère. D'ailleurs, la transformation est pas mal. Et la différence d'ailleurs principale entre les deux films, c'est que dans le premier film, on ne voit absolument rien, c'est suggéré. Mm-hmm. Et alors que dans le deuxième film, on voit la transformation qui fait penser un peu au loup-garou, tu vois. Voilà, tu vois les mains qui se crispent avec les griffes qui sortent. Et là, quand elle se transforme en féline, tu vois son visage qui devient inhumain. C'était d'ailleurs assez bien fait, je trouve, pour l'époque. Et je crois qu'ils ont mis beaucoup de moyens là-dessus. Oui, et ça a servi d'ailleurs après à la série Manimal. Ah oui. Parce que le gars aussi s'est transformé aussi en panthère. Merci Wikipédia. Ah oui. Non, mais moi, Animal, je trouvais ça d'enfer, quoi. C'est rigolo qu'ils se soient servis des mêmes effets spéciaux pour faire cette série qui était géniale. Donc là, à partir du moment où ils couchent ensemble, donc elle se transforme en féline, alors que lui, il est en train de ronquer à côté, de ronfler, qu'il n'entend rien. Et on comprend qu'elle va bouffer quelqu'un. Est-ce que c'est là qu'elle bouffe le vieux? Alors d'abord, elle se met nue et elle part courir dans la prairie d'abord. Qu'elle court après le lapin, là, avec une vision, elle voit un serpent et tout ça. Donc on comprend qu'elle s'est transformée en panthère. Et oui, elle va tuer, lui il va retrouver le matin, il va retrouver son ami qui a été transformé, c'était caché, quoi. Et ça lui déplaît fortement quand même, hein. Ça lui fait pas, non ? Je m'en rappelle plus. Moi, il me semble qu'il a pas bien pris ça. Et là, par contre... Mais par contre, si on fait le parallèle avec l'autre film, dans l'autre film, donc, elle ne veut pas. Par contre, y a un autre personnage qui apparaît, c'est le psychologue. Oui. Puisque le mari la convainc d'aller voir un psychologue. Donc, elle va voir ce psychologue. Et en fait, ce psychologue, c'est un peu un chaud lapin, un coureur de jupons, j'ai l'impression. C'est dit à un moment donné. Mmh. Et donc, il essaye de... Pas de la séduire, mais à un moment donné, il lui dit « Oui, si vous ne voulez pas embrasser votre mari, embrassez-moi et on verra bien. Ouais. » Et à la fin, et en fait, elle dit « Non, elle ne veut pas. » Et à la fin, finalement, c'est ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, ça rate pas, puisque le psychologue, il se fait bouffer. Et c'est la fin, d'ailleurs. C'est la toute fin, ça, c'est la toute fin, oui. Et d'ailleurs, ça aussi, ça... Alors, on parle de la transformation qui était bien faite dans le remake, mais au moment où le psychologue l'embrasse, il y a ses yeux qui brillent d'une façon bien particulière. On voit que... Voilà. Moi, vraiment, cette séquence-là, j'ai trouvé ça aussi super, quoi. Après, le film est long, le film est ancien, mais ce moment où on voit une sorte d'éclat dans ses yeux et tout ça, là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien fait, quoi. Voilà. Ah. Ça t'a pas marqué plus que ça, toi, non ? D'accord. Donc, alors là, ma mémoire, ça me revient pas trop en mémoire là, mais donc, elle vient de bouffer son copain et elle s'échappe, non ? Je crois qu'elle elle part, ou qu'est-ce qu'elle fait après qu'elle a mangé son copain ? Je crois qu'elle revient, hein, elle revient à l'état humain, oui, elle revient. Oui, parce qu'elle a mangé. Et après, ils le revend une deuxième fois. Oui, mais ça, c'est à la fin du film, ça. Ah bon ? Oui. Ah, ben, je suis plus. D'abord, alors, elle s'est transformée en panthère, donc elle a pris conscience que plus ou moins il y avait un problème, quoi. Voilà. Alors, il me semble que c'est après cette histoire de Bayou et tout ça, où elle retrouve forme humaine, que son frère la retrouve en quelque sorte, hein, et il va plus ou moins attaquer son copain là, et c'est à ce moment là que il y a Annette O'Toole qui débarque et qui tire un coup de fusil à pompe et qui tue la méchante panthère, quoi, qui tue le frère, donc. Dans la maison. Oui, dans la maison, oui. Ok. Voilà. Oui, ce qu'on a oublié de dire aussi, qui est très important, c'est que dans la grande maison où vit le frère, il vit donc avec une femme qui s'occupe de lui, qui lui fait à manger tout ça. Je ne pense pas que ce soit sa mère adoptive, d'ailleurs. Je pense que c'est une sorte de gouvernante. Ouais, elle le protège. Elle est au courant. Elle est au courant. Et au sous-sol, on découvre qu'il y a des chaînes avec des bracelets, là, tu sais, parce qu'en fait, il enlève des femmes, des filles, et il les amène dans sa cave et il les bouffe. Moi, je pensais que c'était un truc pour les... Et ça, c'est la police, hein, qui trouve ça. Oui, c'est la police. Oui, à quel moment la police intervient? Parce que le frère, donc ils ont tiré sur la panthère, si tu veux, ils pensent que le frère s'est enfui, alors que le frère, il est mort, vu que c'était la panthère. Ouais. Voilà. Et donc, il y a la police, d'accord, qui débarque, donc, pour enquêter. C'est à la fin, alors? Oui, d'accord. Vers la fin, oui. Mais bon, moi, quand ils sont allés à la cave, voilà, que j'ai vu cette cage et tout ça, je me suis dit, c'est la chambre des enfants. Hein, la chambre des enfants, c'est comme ça, c'est dans les caves avec des trucs, des chaînes et tout ça. Ouais. Non, donc ce gars-là, donc, il pense que c'était une sorte de tueur en série qui se servait d'une panthère pour manger ses victimes. Alors qu'en fait, non. La vérité, c'est que c'était lui qui les mangeait. Et mais là, le copain, il a des très très gros doutes. Hein. Il se dit, là, il y a un problème quelque part. Il va y avoir la séquence de la piscine, parce que donc il s'est plus ou moins rapproché de sa collègue de travail là, qui travaille avec lui au zoo. Et Nastassia Kinski va la poursuivre jusqu'à la piscine. Alors, ça fait partie des seules scènes qui sont en commun entre les deux films. Il y a une séquence dans la piscine où, en fait, Annette O'Toole va aller se piquer un gabus. Les lumières vont s'éteindre et là, il va y avoir une séquence un peu d'angoisse parce qu'on entend des bruits, elle regarde un petit peu de partout. Alors, la différence entre les deux films, c'est que dans le film 1942, la fille, elle porte un maillot, une pièce, Et dans la nouvelle version de 1982, elle est topless, bien sûr. Parce qu'on elle porte quand même sa culotte. Oui, ça m'a choqué moi-même, ça, tu vois. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe là ? Elle a eu un passe-droit par rapport à Anastasia Kinski. Elle a le droit de porter une culotte alors que l'autre non. Alors, ça, c'est pas normal, ça. Et. Mais cette scène ne fait pas peur du tout, puisqu'on sait que les chats ont peur de l'eau. Les chats et les félins, donc. Non, les tigres, ça nage. Ouais, et les panthères. Et les panthères, ça nage aussi. Qu'est-ce que t'en sais ? Vas-y, regarde sur internet. Si je n'ai pas besoin de regarder, j'en ai vu plusieurs fois se baigner dans des piscines. Moi, les panthères. Je suis sûr que non. Ouais, c'est ça. Alors là, tu vois. Au Syrien plage. Et même les chats, ils n'ont pas peur de l'eau, qu'est-ce que tu dis là ? C'est pas gentil de dire ça sur les chats. Tu veux dire qu'ils ne sont pas propres, hein, qu'ils ne savent pas se nettoyer eux-mêmes ? Les chats, ils sont ça. Très propres avec leur langue. Ah, d'accord, bon. C'était très intéressant ça comme débat sur les félins. Donc voilà, il y a la séquence à la piscine, plus ou moins angoissante. Moi j'ai trouvé ça sympa quand même. Dans la nouvelle version, c'est une des scènes qui m'a le moins déplu, quoi, on va dire. Parce qu'après, je trouve tout est grotesque, quoi. Pour moi. Non, moi la seule chose que j'ai aimée, c'est la transformation. Que ce soit le frère ou la sœur, voilà, les scènes de transformation sont bien. Après le reste, franchement, j'ai pas du tout aimé ce film. Aucun des deux. Attends, mais c'est pour la fin, ça. Mais tu vois, tu grilles toutes arrive, tes non, cartouches. On y arrive, là. On y arrive, oui, mais d'abord, il y a des jingles et tout ça. Ah, mais vas-y, alors. Bon. On en voit, non, le jingle de la fin. Attends, mais on raconte la fin. Ah, donc, bon. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe donc, finalement, le boyfriend, là, il se rend compte que, effectivement, il y a une malédiction et tout. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il l'attache, Natasha Kinski, sur le lit pour plus ou moins lui faire l'amour. Et en se disant, elle est attachée, elle ne pourra pas me bouffer, quoi, après. Et elle lui a dit, justement, que ce qu'elle voulait, c'est rester avec son peuple. Donc, ils font l'amour une dernière fois, et le film se finit, où, en fait, il est dans un zoo, on voit qu'il s'est mis, finalement, avec sa collègue, ils sont en couple tous les deux, mais ils passent devant une cage où il y a une panthère, ils passent la main, ils caressent la panthère, on comprend qu'en fait, c'est Natasia Kinski qui est dans la cage, et que, voilà, elle restera tout toute le temps sa vie, en panthère. Voilà. Et le film se termine comme ça sur cette image. On va passer tout de suite à la dernière séquence de l'émission. Il ne peut qu'en rester qu'un, mais lequel ? Tu as employé des choristes là pour faire les C'est nos enfants. Ouais, ouais, tu aurais pu me le demander au moins. Par contre, il ne peut qu'en rester qu'un. Non, il ne peut en rester qu'un. Dans les bandes annonces américaines, ça se fait beaucoup, ça. D'accord, on accentue. Faire la là, double voilà. Négation. Voilà. C'est pas français. Oh, mais on est un podcast international, Julie, ne l'oublie jamais. Okay. Il me semble que tu l'oublies un peu trop souvent. Donc, entre le film de 1942 et le film de 1982, lequel tu préfères, Julie ? Le plus récent, sans aucune hésitation, parce que malgré qu'il soit beaucoup plus long, donc trois quarts d'heure de plus, j'ai trouvé que le temps passait plus vite parce qu'il est mieux fait, il y a plus d'action, moins de blabla. J'ai bien aimé les scènes de transformation. Néanmoins, globalement, je n'aime pas ce film, mais je préfère quand même celui-là à l'autre qui m'a vraiment assommé. Assommé ? Assommé. Bon. Tu pourrais peut-être me demander mon avis ? Je dirais que Truc Turner, là, nous a bien embobiné. Jacques Tourneur. Tu veux que je coupe un moment où tu fais cette blague ou je laisse les 40 fois où tu l'as faite ou... C'est une running joke, donc tu laisses toutes les fois où je la fais. Et je la ferai juste avant qu'on termine. D'accord. Donc, ben, vu qu'on ne me le demande pas, je vais quand même donner mon avis. Bon, moi, je préfère la version de 1942 parce que déjà, elle est plus courte. Il faut t'as mieux dormi. Exactement. J'ai dormi comme une masse pendant celui-là. Alors... Le film, le remake, l'interprétation est vraiment bien du côté de Anastasia Kinski. C'est une bonne actrice, effectivement. Si on voit des filles à poil, c'est toujours beau ça de prix, quoi, on va dire. Mais le film, il est trop grotesque, quoi. Voilà. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à un autre film que personnellement je trouve 100 fois mieux. C'est de David Lynch. Ah, purée, le film Firewalk With Me, qui est la suite de Twin Peaks. Voilà. C'est le film adapté de la série Twin Peaks, qui est un peu dans le même style, quoi, un peu sulfureux, voilà, que représente le sexe, le truc, le machin, le bidule. Voilà. Si vraiment vous avez envie de voir un film... Qu'est-ce que tu attends par truc, machin et bidule ? sur le fait, sur le sadisme, ce qu'il y a de plus noir dans l'être humain, et en même temps le fait que sous chaque personne apparemment classique, il y a des choses qui grouillent un petit peu et tout ça. Voilà, je préfère. Par exemple, dans Die and Fire Walk With Me, on parle aussi de l'inceste, mais d'une autre façon et tout. Voilà. Le film de David Lynch m'avait beaucoup plus dérangé que celui-là, qui est pour moi que grotesque. Quoi. Voilà. Là, hop, je sauve l'interprétation de Anastasia Kinski, mais après tout le film, c'est vraiment les films qu'on faisait dans les années 80, c'est le film arty. Quoi. Voilà, on veut t'en mettre plein les yeux avec un sous-texte. On parle de mythe, un moment, il y a un gars, là, quand le boyfriend là, parle dans le zoo, un moment, il écoute un enregistrement, il répète les mots. Je suis sûr que c'est tiré de la Bible, je ne vais même pas chercher à regarder parce que ça me pompe l'air. Mais voilà, c'est des références sur des références sur des références. Le gars, il veut faire intellectuel pour au final montrer une fille nue. Quoi. Voilà, il trouve que c'est sulfureux de faire ça. Tu es malin, c'est toi. Ah non, mais moi, j'ai pas peur au bout d'un moment. Non, mais c'est vrai, ça fait partie de ce genre de film à l'époque qui voulait choquer à tout prix et pour pas grand chose au final. Quoi. Tandis que dans le film Jacques Tourneur, il y aurait eu un petit peu moins de blabla. L'histoire est beaucoup plus intéressante. Le fait que. Voilà, c'est une série B qui se revendique de l'être, mais qui tente d'aller un peu plus loin. Tandis que le remake, c'est un film qui se prend pour beaucoup de choses. Alors qu'en fait, c'est une série B, quoi. Voilà, la différence est là. Et là, moi, je dis les choses. On me demande des choses, je les dis. Et voilà. Tant pis, je mets les pieds dans le plat, c'est comme ça. Donc, je préfère l'ancienne version, devant laquelle, en plus, on dort bien. Ok, bon. Mais ceci dit, on ne conseillera aucun des deux à nos amis. Ça dépend. Moi, je trouve quand même que c'est intéressant de regarder ouais, mais des si films. On dit qu'on ne conseille aucun des deux à nos amis, les auditeurs vont nous dire, ils nous prennent vraiment pour des cons parce qu'ils ont passé trois quarts d'heure à nous écouter. Au final, on ne leur conseille pas ces films. Mais voilà, on leur a parlé d'un film, ils peuvent, au cours d'un dîner. Tu vois, tu tombes sur un dîner où il y a des gens qui disent « Oui, tu as vu le dernier film de Jacques Tourneur qui rembobine ?» Tu vois, un truc comme ça là. Et tu peux briller en société en disant « Oui, oui, j'ai bien aimé la scène de la piscine. » Paf, t'as un truc à dire. Tu vois ouais, entre la pomme et le fromage. La probabilité pour qu'on aborde ce sujet pendant un repas entre amis, bon. Eh bien, tu verras que le prochain repas qu'on me fait, je le mettrai sur la table et tu vas voir. Et grâce à nous, les gens vont parler de ça, avec le nombre d'auditeurs qu'on a. Donc, moi, je dis que c'est quand même intéressant de les regarder, ces films. Même si ça vieillit, plutôt que de regarder, je sais pas moi, Les Tuches 3, je préfère regarder ça, même si c'est un peu ennuyeux, que de regarder Les Tuches 3. Non, tu n'es pas d'accord avec moi? Oh, ça a l'air trop bien, Les Tuches. C'est autre non, chose. Non, je rigole, je n'ai pas vu Les Tuches et ça ne me dit rien de les voir. Voilà, mais ça veut pas dire qu'on est plus intelligent parce qu'on regarde ce genre de film-là, mais ça t'apporte quand même quelque chose. Moi, c'est même le remake, j'y repensé un petit peu, si tu veux. Voilà, il y a des séquences qui sont assez marquantes et tout ça. Moi, je trouve ça quand même intéressant, on apprend des choses, quoi. Et c'est le plus important. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce podcast. Moi, je dis, c'est l'ancienne version qui gagne et toi tu préfères la nouvelle version. Moi je dis ça mériterait un remake. C'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler. C'est-à-dire de refaire encore un remake mais de nos jours. Ah ouais? Adapté à notre époque. Mais c'est génial comme idée, oui. Je dis. Ah ben alors là, pouf, tu m'embouches un coin. Mais oui, écoute, peut-être que ce serait mieux. Bon. Eh ben écoute. Si tu veux, Jérôme, achète-toi un petit matériel là de cinéaste amateur et puis on se tourne un petit film. Ben écoute, je vais étudier ça, d'accord. Mais alors, il faut une panthère et tout. Je suis sûr qu'on peut faire autant que Francis Turner. Ou Cabrel, je sais pas quoi. Bon, on va finir sur cette note. Hein. Il nous a bien embobiné, va. Il fallait hein, que tu la fasses. Hein. Oui. Tu n'aurais pas été heureuse sinon. Non. Voilà, ben écoutez, on vous remercie de votre écoute. Hein. À une prochaine fois pour un prochain comparsiné. J'espère que Julie va continuer à être parmi nous. Ça dépendra du film, hein, parce que moi j'écoute, comme disait Mathieu Popol, franchement, je veux voir des bons films. Mais tu vas voir des bons films. Ok, très j'ai bien. Déjà quel une est idée. Le prochain film? Jason et les Argonautes. Ça va pas continuer avec ce truc. Eh bien, on vous remercie et à très bientôt. À plus, Minus. Franchement, Jérôme, il n'y a pas à dire. Je suis vraiment. Enfin, voilà, j'ai fait des remarques hyper percutantes. Et puis la vanne que j'ai faite, là, franchement. Oui, t'es pas pissé de rire. C'est pas le podcast à Juju. trouve que tu prends trop d'importance dans ce podcast. Oh man. Si, si. Alors que c'est moi le chef. Ouais, les chefs, c'est tous des cons. Allez, on va manger. Allez, on va manger.